Je rentre du boulot, aïe, aïe, aïe, ho. 8 heures devant l'écran, les yeux injectés de sang. 2 heures dans le métro, le moral à zéro. 2 heures sur MSN, 4 à 6 fois par semaine. Quelques heures de guitare, mais non, il se fait tard. Et ce jusqu'à la prochaine. 48 heures de repos, j'espère cette fois qu'il fera beau. 15 heures toujours au lit, récupérer, merci samedi. Quelques heures de guitare.